jamais un doute ne fut permis. Quand on sort des ennemis, des institutions de la patrie, qui dans leur garage souvent crient. Non, aucun doute n'est survenu pour qualifier ces foutus. Avec leur tête de chien pas assez battue et leur musique si incongrue, non, aucun doute ne vagabonde pour qualifier ces bêtes immondes qui s'approprient parfois trop souvent les ondes avec la musique qu'ils nous pondent. 1, 2, 3, 4. Les gens qui font du rock'n'roll sont crades, sont crades. Les gens qui font du rock'n'roll sont crades, sont crades. Il faudrait tous les enfermer avec leur musique de dégénérer. Les gens qui font du rock'n'roll sont crades, sont crades. J'aimerais ne plus jamais les voir ni écouter leur musique de barbare. Les gens qui font du rock'n'roll sont crades, sont crades. Et ceux qui font du métal sont très très sales, sont très très sales. Les gens qui font du rock'n'roll sont fades, sont fades. Attention, et ceux qui font du reggae, je préfère même pas en parler. Les gens qui font du rock'n'roll sont crades, sont crades. Les gens sont crades, sont crades. Je vais dédier cette chanson à quelqu'un qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui s'appelle Erwan Le Sauce. voilà. Ça s'appelle l'Astico. Parce qu'il y a une toute petite. Non, je vais. Peut-être. Ah oui. Ça me demande beaucoup de concentration. D'ailleurs, quand tu sais qu'il en a mis, je vais. Faites-le partir. Je crois qu'on me tire pour la main. Je demande un silence de mort. De mort. Carrément.